Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 16. Histoire de la robotique. Les utilitaires. Les robots utilitaires ont tous des fonctions de substitution à l'homme, que ce soit pour le prolonger en étant télécommandés comme les robots explorateurs de la planète Mars, les robots travaillant en zone dangereuse pour l'homme, champs de mines, centrales nucléaires, ou que ce soit pour le remplacer dans des travaux pénibles et répétitifs. Qu'on le veuille ou non, la robotisation se retrouve à tous les niveaux de notre société, de la machine à laver le linge ou la vaisselle, à la chaîne de montage en usine, en passant par les trains sans chauffeur, les pilotes automatiques d'avions, et déjà de voitures, à l'état de prototype, ou le tri automatique du courrier. C'est dans les années 1945 à 1960 que la société Unination installe en production automobile le premier robot industriel. L'industrie automobile, puis l'électroménager et l'électronique ont donné une large place à la robotisation, pour des tâches cependant relativement simples comme le pick and place, la soudure par point, l'assemblage simple et la peinture. On reste là encore très proche de la machine-outil, dotée de peu. Fin de cette 16e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.